ca din mâu excite. Că eu mă ca pe cadon. Le uca alonge. Că o le mă. Jusca de mă. Mă vreți sa-ți boa să tă. Nu se tă nu că la zemă mă tă. Charlie Gomez du mot. J'adore quand tu me dis on les étoiles plus beau. Je préfère celui qui me fait grimper au rideau. À n'importe quelle heure et dans n'importe quel studio. Tout le monde sait que tu connais toutes les œuvres, donc on t'aime trop. On sait tous qu'avec toi on passera des moments très chauds. À chaque fois que tu te sens seul, n'hésite pas qu'on prend ton numéro. Toi-même tu sais qu'une fois de plus ce sera très chaud. Qu'elle se retrouve contre un noir à lunettes, vie solo. Homme de zoo, homme de soupe, ce malhonnête se cousi. Si j'ai pas elle, j'ai sa cousine. Elle est cousi, si cousa la grosse, mais je mettrai un coup. Angela, moi défends, tu vois, tu vois. Oh,